Bon, faut savoir une chose très importante. Cette chose concerne la médiatisation des prêcheurs corrompus, des pseudo-prêcheurs, tels Malek Chabel, Souhaib Ben Cher, Hassan Kouhsen, Tariq Ramadan et d'autres. Déjà, faut savoir une chose. Ça a été voulu par les Occidentaux, c'est-à-dire Dalil Boubacar aussi, le cheikh David Boubacar aussi, je l'oublie. Enfin bref, ça a été fait par les Occidentaux. Leur but, c'est quoi? C'est de montrer à la populace, notamment la populace musulmane d'Occident, notamment de France, Belgique, de Suisse, de mettre en valeur, donc de les projeter médiatiquement, afin qu'ils suivent leur discours. C'est-à-dire que dans la populace musulmane, en Occident, notamment en France, Belgique et ailleurs, le jeune Rachid, voilà, qui fait ses salats, mais qui n'a pas vraiment un cursus théologique fiable, qui ne sait pas c'est quoi le yakfur bit taghout, alors que c'est une pratique qui fait partie des éléments du tawhid et que chaque musulman doit connaître et doit appliquer, ou bien la Zulira, ou bien la Rachida, qui est fan de Amel Bent, mais qui en même temps dit Mashallah, Mashallah, Araister à chaque phrase. C'est un peu pour viser ce genre de populace. Le type, voilà, le musulman des cités, ou bien le musulman, voilà, des villes européennes, mais qui n'a pas vraiment un cursus théologique, qui ne connaît pas beaucoup à l'islam. Donc, en allumant leur TV, leur télévision, et en voyant des gens comme Tariq Ramadan, des gens comme Malek Chabel, etc., il n'y a que eux. Donc, automatiquement, ça va engendrer en ces gens-là, dans cette populace musulmane, tout simplement, une satisfaction, ils vont être satisfaits de ce discours-là. Pourquoi? Parce qu'on leur présente que ce discours. Ils ne sont pas coupés médiatiquement. Donc, maintenant tu vas dans la rue, je sais pas, tu vas dans la rue, tu prends un jeune musulman qui, voilà, qui un jeune musulman, voilà, qui n'a pas l'air d'être, qui n'a pas l'air d'avoir un cursus théologique, qui est connu pour, il fait juste ses salats, Ramadan, et voilà, il se casse pas trop la tête. Tu lui demandes de lui citer des savants, cite-moi des savants, il va peut-être te dire Shir Soudais, ce qui est bien. Récite le Coran, un récitateur du Coran, d'accord? Et puis il va te dire Tariq Ramadan et Qardawi. Par contre, tu vas un peu rentrer, un peu mijoter, lui dire, je sais pas moi, Cheikh Abou Mohamed Maqdisi. Non, inconnu au bataillon, hein, d'accord? Cheikh Nasser Fad, inconnu au bataillon. Cheikh Fizazi, inconnu, ok. Cheikh Honeyman, inconnu, d'accord? Ali Khoder, inconnu. Bizarre. D'accord. Ok. Okra Shouhaibi? Non. Inconnu aussi, d'accord. Ben justement, c'est ça le truc, c'est voulu. C'est que maintenant, les gens ne connaissent pas les vrais savants. Pour la simple et bonne raison que les vrais savants sont coupés médiatiquement, enfermés en prison, torturés, voire tués. Par exemple, regardez, les gens, ils idéalisent Tariq Ramadan, ils le prennent comme étant un grand penseur musulman. Tariq Ramadan, c'est rien. Tariq Ramadan, il ne connaît strictement rien à l'islam. D'ailleurs, dans son site officiel Réponse aux prétendus salafis, j'ai prélevé plus de 5 fautes que je lui ai répondu par mail et il m'a jamais répondu. Il ne connaît strictement rien à l'islam. Il a quelques bases, quelques notions. Il a l'art de parler, l'art de maîtriser la langue de Molière et automatiquement, il séduit les gens. Il séduit. Mais une fois que tu creuses et tu rentres dans les détails, dans les bases, dans les usuls, dans les fondements de l'islam, il ne connaît rien. C'est-à-dire que Tariq Ramadan, tu le mets devant, face à Cheikh Mohamed Al-Maqdisi, qui est un très grand savant, qui a été enfermé plusieurs années en Jordanie pour avoir clamé haut et fort son désaveu de la traîtrise des gouverneurs et son amour du tawhid, de l'unicité pure d'Allah. Il a été enfermé. D'accord, il a été enfermé, torturé. Il a écrit des livres en prison qui ont été distribués clandestinement, comme La religion démocratie, Dine Democratia, Ceci est notre Aqida, et d'autres livres qui expliquent bien et qui réfutent point par point les arguments de ces pseudo-prêcheurs, par exemple. Donc, Tariq Ramadan, par exemple, tu vas le mettre devant Cheikh Abou Mohamed Maqdisi, Wallahi, qui ne tient pas. Allez, à tout casser, il ne va pas tenir 20 minutes dans un débat théologique. Tu mets ce pantin de Malek Chebel devant Cheikh Honayman ou Cheikh Nassar Fahd, il va pas 5 minutes, c'est encore beaucoup. Mais c'est voulu, c'est-à-dire que ces gens-là, les Occidentaux, le pouvoir du média, mettent ces gens-là en avance. D'accord? Tu tapes TF1 France 2, tout ce que tu veux, même les chaînes marocaines, algériennes, ils y sont. Pourquoi? Parce que ça favorise. Ça favorise non seulement les Occidentaux, respect, la liberté d'expression, la démocratie, ou à bas la charia, à bas le djihad, à bas la théocratie, c'est pas bien, hein? Donc ça les arrange. Et en même temps, leur but à eux, à ces Occidentaux, c'est que le jeune Rachid, la jeune Rachida des cités, ou bien celui-là qui connaît pas très bien sa religion mais qui est musulman, va être séduit et donc va suivre son discours et va voir même le défendre. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne connaissent pas assez l'islam. Je prétends pas connaître tout, je suis un ignorant, on est tous des ignorants, mais il faut au moins connaître les bases. Ce qu'il y a kfour bit taout, al-amanu billah, avoir des bases, connaître au moins les fondements. D'accord? Qu'est-ce que veut dire al-shirk al-hakimiyya? Qu'est-ce que veut dire l'association dans le jugement? Qu'est-ce que veut dire toutes les notions de base? Et le problème, c'est quoi? C'est que maintenant, voilà, ils sont satisfaits, les Occidentaux sont satisfaits en projetant médiatiquement des gens comme eux. C'est ce qu'ils veulent. D'accord? C'est ce qu'ils veulent. Maintenant, le problème étant, c'est que les gens qui sont un peu, on va dire, qui sont musulmans, mais qui sont un peu, voilà, il y a de la rancœur parce que voilà, ils voient ce qui se passe dans le monde, en Tchétchénie, en Irak et tout. Donc, voilà, on a une certaine haine, hein, des fachos occidentaux, etc. Le gars de cité, hein, le Rachid, le Mohamed de cité, celui-là des cités qui a un peu de haine, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre Tariq Ramadan devant De Villiers, par exemple. De Villiers qui incarne le fasciste, le raciste français, hein, l'anti-musulman. Et donc, on va mettre Tariq Ramadan pour séduire cette masse de populace, cette tranche de populace musulmane. D'accord? Parce qu'il y a parmi la populace musulmane ceux qui ont un certain cursus théologique et qui comprennent bien l'islam, alhamdoulilah. Il y a ceux qui ont un cursus théologique mais qui ne l'ont pas compris, car ils sont dirigés vers des sectes tel le soufisme, le Rawafid ou d'autres. Ensuite, tu as celui qui, ce qu'on appelle l'ami, le type ou la fille qui connaît, enfin qui fait ses salats mais qui ne connaît pas bien vraiment les fondements et tout. Et ensuite, tu as celui qui est un peu, qui a la rancœur, tu vois, le type il connaît pas assez, mais voilà, il commence à en avoir marre, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils nous font ça en Tchétchénie, pourquoi ils font ça en Irak et tout. Et donc, celui-là, on essaye de le toucher. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout ça, c'est un show. Dans les coulisses, c'est un show. Qu'est-ce qu'on fait? On met Tariq Ramadan devant De Villiers, De Villiers qui symbolise, qui incarne le gaulois islamophobe, etc. Et Tariq Ramadan qui, avant peut-être ce débat, n'était pas très aimé par cette tranche de populace qui était un peu, on va dire, djihadiste sur les bords. Hein? Eh ben, qu'est-ce qu'il a fait, Tariq Ramadan? Il a actionné une forme de djihad par la parole contre ce pantin de Villiers que même un gamin yéménite de 5 ans pourrait réfuter. Donc, tout ça, c'était un show. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le pique un peu. On met des Mohamed Sifaoui. Mohamed Sifaoui qui est détesté par la majorité des musulmans, même les plus modérés, hein, puisqu'on le considère comme un traître, bien qu'une minorité le défende. Donc, Mohamed Sifaoui qui est même détesté par la populace qui ne connaît pas assez l'islam. Si on le voit attaquer Tariq Ramadan, ça va plus mettre Tariq Ramadan en valeur envers leurs yeux à eux. Donc automatiquement, c'est du show. Qu'est-ce qu'on fait? On le pique un peu, c'est un islamiste, c'est un islamiste. Parce qu'il faut lui quand même lui donner une image du juste milieu. C'est-à-dire qu'en même temps, ce qu'on appelle les extrémistes barbus ne sont pas d'accord avec lui. Et en même temps, les types comme De Villiers, Sifaoui, etc., l'attaquent. Donc il va avoir une posture qui fait que la populace musulmane ignorante qui ne connaît pas les vrais savants vont tomber sous le charme. C'est exactement comme Médine le rappeur. Médine le rappeur, par exemple, on lui met la barbe et tout, voilà, la voix hard, hein, la voix grave et tout. Et puis, voilà, de temps en temps, il lâche quelques mots par rapport à l'islam. Donc, le mec, là, le type de cité qui a un peu de rancœur par rapport à ce qui se passe dans la géopolitique, par rapport à ce qui se passe aux pays musulmans attaqués, il va écouter Médine, il va croire que c'est un bon. Alors que non. Médine n'a strictement rien compris, non seulement à l'islam, mais en plus à la géopolitique. Médine est un pur produit occidental, surtout de gauche. Pourquoi? Parce que le fait de prendre Massoud comme un héros et d'accuser les talibans et ainsi de suite, ça prouve qu'il n'a rien compris. Il n'a strictement rien compris. Massoud avait des litres et des litres de sang musulman dans les mains. Massoud faisait partie d'une tariqa soufie qui consistait à séparer le spirituel du temporel. Il était contre la théocratie. Il attaquait les talibans. Pourquoi? Parce que les talibans, Msaken, eux, tout ce qu'ils voulaient, c'est mettre un état islamique. De toute façon, je vais reparler en détail des talibans et du cas de Massoud dans un autre audio, Inch'Allah. Non, la chose étant, faut comprendre de temps en temps. La chose, c'est quoi? C'est que maintenant, on médiatise les pseudo-musulmans, les musulmans réformateurs dont Allah en parle dans le Coran, dans le Sourate Al-Baqarah, en mettant en garde contre eux. On les met, D'accord. Comme par exemple Abdelmalik le chanteur, le noir là, le slameur ou je sais pas c'est quoi, jamais écouté de toute façon ces conneries. Mais j'ai déjà vu ses interventions télévisées. Il est vrai, c'est un pur inculte. Soit il est payé pour dire des conneries, soit il est vraiment inculte. Il est bête, il est ignare, il est con. Le mec, oui, hein, tous les humains sont mes frères. Il n'y a pas de djihad dans l'islam, c'est juste la salat, le bon comportement. Quoi, encore il va prendre une guitare, il va aller jouer, je sais pas moi, du jump pas avec Charlie Ingalls. C'est quoi? C'est n'importe quoi. Bien sûr que l'islam est un tout. Mais ensuite, bien sûr, elle doit être répandue de façon intelligente et pas n'importe comment. Ça doit pas être anarchie. J'ai jamais dit qu'il fallait mettre un État islamique en France. J'ai jamais dit qu'il fallait mettre une théocratie en Occident. Ce que je dis, c'est que comme nous, on est ici, le minimum qu'on peut faire, c'est de ne pas rentrer dans leur structure étatique, c'est-à-dire voter pour eux, devenir avocat, policier, ou rentrer dans leur armée, sans désavouer au moins dans le cœur. Parce qu'il y a un hadith qui dit que si tu ne peux pas changer les choses, blâmer les choses par les actes, fais-le par la parole. Si tu ne peux pas, fais-le par le cœur. D'accord? Donc les deux A, et aussi l'abstention par le cœur. D'accord? Donc maintenant, on n'a jamais dit qu'il fallait mettre un État islamique ou quoi que ce soit, mais au moins que tu ne modifies pas le message de l'islam pour plaire à Monsieur Jean-Paul ou Monsieur Constantin, l'islamophobe, le pro-sioniste. Non. D'accord? L'islam est un tout. D'accord? Pendant plus de 1200 ans, les musulmans vivaient sous théocratie. Il y a eu certes des guerres minimes, mais c'était un moment où l'émergence était en hausse dans toutes les sciences, dans les droits sociopolitiques. Et ça va revenir, Inch'Allah. Ça va revenir d'abord dans les pays musulmans. Là, je ne parle pas de mettre une théocratie en France. Je ne suis pas complètement malade. Bien que tout le monde dit que je suis fou, je ne suis pas complètement fou à ce point-là. Non. Mais au moins ceux qui vivent ici, au moins dans leur cœur, qui se désavouent de cette politique. D'accord? Ils font leurs choses, leur vie sociale, ils font leur salat à l'heure, à Ramadan, etc., etc. Voilà quel est le problème, c'est qu'ils ne rentrent pas dans leur structure étatique parce que eux et nous, on est différents. Politiquement parlant, on n'a pas la même chose. Leur liberté d'expression qui permet de caricaturer le prophète, qui permet d'insulter l'islam, qui est contre des valeurs de l'islam et ainsi de suite. On ne peut pas adhérer à ça. Par exemple, en votant pour quelqu'un, si tu votes pour quelqu'un, tu adhères indirectement ou directement à ses idées. Même si ton cœur est contre, l'amal, tu as fait du kufr amali, ça veut dire que tu as fait de la mécréance par les actes. Pourquoi? Parce que tu as approuvé. Alors que la foi est un tout, c'est aussi bien le cœur, les actes et la parole, c'est complémentaire, tu dois t'en abstenir. On n'a pas voté pour les socialistes, on n'a pas voté pour la droite, le communiste, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des idéologies faites par les hommes. Il y a le roi Faisal qui était l'ancien roi saoudien, bien que maintenant les rois actuels, les gouverneurs actuels saoudiens, bien sûr, on va pas vous faire un dessin, bien sûr que ce sont des corrompus, mais il faut reconnaître que le roi Faisal, qui a fait un embargo à Israël, qui a tenu un grand discours à l'OTAN et à l'ONU, etc., il faut savoir que Faisal, c'était quand même parmi les rois saoudiens celui qui, voilà, d'accord? Celui qui tenait tête. Eh ben, il y avait Nasser, l'Égyptien, le communiste, qui lui avait tendu la main pour lui dire, viens avec nous adhérer au communisme. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, Faisal? Une très belle phrase. Il lui a dit, je n'ai pas besoin du communisme, j'ai déjà l'islam. Voilà, tout simplement, l'islam a déjà des lois. Maintenant, bien sûr, que stratégiquement parlant, c'est qu'il faut que la théocratie revienne dans nos pays respectifs, dans nos pays d'origine. C'est le plus important. Alors que nous, on est ici, on est bien sûr, on est orphelin parce qu'on n'a plus de califat à cause de Atatürk qui est là-bas en 1924. Mais le minimum qu'on peut faire, c'est de ne pas adhérer, d'accord? Que ce soit avec le cœur, avec la parole ou les actes, adhérer à leur loi. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont dans leur loi, dans leur pays, ils font ce qu'ils veulent, mais on n'adhère pas. On ne rentre pas dans leur structure politique, étatique, dans leur police et ainsi de suite. C'est comme quand le prophète a dit au Sahaba d'aller migrer chez Najashi, le négus, il avait dit, c'était un homme chrétien, mais un homme bon. C'était une théocratie biblique, chrétienne, il jugeait avec les Bibles, mais il n'a pas demandé de rentrer dans leur gouvernance. C'est-à-dire, faites votre vie sociale, priez, faites salat et tout, il sera bien. Propagez, parlez à l'islam au peuple, mais ne rentrez pas, c'est-à-dire dans l'armée du roi ou ainsi de suite. Et bien sûr, Négus, avant sa mort, s'est converti à l'islam. Enfin, bref, juste pour dire, par rapport à la médiatisation de ces pseudo-prédicateurs, c'est normal, c'est voulu, c'est extrêmement voulu. Absolument voulu, c'est ça qu'ils veulent. C'est que le jeune Rachid qui ouvre TF1 France 2, boum, on va voir Tariq Ramadan. Boum, on va voir Malek Chebel, Souheb Ben Cher, David Boubacar, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce ils veulent que les musulmans s'émergent, imprègnent cette vision fausse de l'islam. Et donc, pour résumer, j'atteste par Allah le Tout-Puissant. Que des gens comme Tarek Ramadan, des gens comme Malek Chebel, Souheb Ben Cher, David Boubacar, et j'ai oublié tous les vendus, excusez-moi, je ne connais pas la liste des vendus, Ils ne vont pas tenir, ne fût-ce que 5-10 minutes devant des savants, des montagnes comme Abu Mohammed al-Maqdisi, comme Khunaymen, comme Nassr al-Fath. Et ceux-là, ils sont coupés. Voilà, ils sont coupés médiatiquement. Ils sont coupés médiatiquement. Donc, automatiquement, la personne, le musulman de base, ne les connaît pas. Sauf si tu fais une recherche approfondie. Et bien sûr, l'islam, la science ne vient pas si tu restes assis, si tu la cherches pas. Va chercher la science. Va chercher les livres. Va lire. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, il faut donner à César ce qu'il y a à César. Tariq Ramadan ou Malik Jebel ou d'autres ne sont pas des prédicateurs musulmans. Hein, s'ils veulent, je sais pas moi, ils deviennent, je sais pas moi, instructeurs d'équitation, qu'ils aillent faire du poney en Transylvanie, je sais pas, mais qui ne se proclament pas prédicateurs musulmans. Les vrais prédicateurs musulmans, en majorité, sont enfermés. Pourquoi? Parce qu'ils disent des choses qui dérangent au gouvernement pseudo-musulman, gouvernement arabe, qui sont tout simplement à la botte des sionistes. Tout simplement, ils sont enfermés. Donc, faites vos recherches. Hein? Faites vos recherches par rapport à Abu Mohammed al-Maqdisi, par rapport à Nassr al-Fath, à Khunaymen. Je cite ceux qui sont encore vivants. Parce que si je devais citer les morts, il y en a un paquet d'autres du siècle passé. Donc faites vos recherches et il ne faut pas tomber dans le jeu des occidentaux, tout simplement. I have a dream.